Putain, elle se défonce cette chanson, je la kiffe trop. Écoute, écoute, check, écoute. Putain, baisse le son, Speedy. Et arrête de tirer sur ton oin. Sérieux. On a besoin de garder l'esprit clair là, tu vois ce que je veux dire? L'esprit. Putain, t'es prêt ou pas? T'es vraiment prêt? T'inquiète pas pour moi, check. Me fonce des choses ce que j'ai à faire. Ah ouais? C'est toi, est-ce que t'es prêt vraiment? Ça, c'est maintenant qu'on va le savoir. Vas-y, éteins tes feux, viens, on y va. Hey, check. Quoi encore? Ouais, je sais que c'est la première fois, mais quand même, t'as cagoule. Ah ouais, merde. Pécile.